Chapitre 47e Confidence. Nous sommes obligés, grâce à la multiplicité de nos personnages, à l'étendue du drame dont nous sommes l'historien, de changer de place souvent et d'abandonner un moment quelques-uns de nos héros pour retourner à ceux que nous avions délaissés momentanément. Nous avons laissé Jeanne s'éveillant dans le petit castel de Bougival, promenant autour d'elle un regard étonné, cherchant à s'expliquer sa présence en ce lieu inconnu, et découvrant enfin, sur le guéridon placé au milieu de la chambre, cette lettre écrite par Sir Williams, non signée comme celle de la veille, et dans laquelle Mademoiselle de Balder avait cru reconnaître l'esprit et la main d'Armand de Kergaz. Lettre bizarre, étrange, aucun fait n'était articulé, sans être enveloppé de réticences sans nombre, où régnait, de la première à la dernière ligne, un ton mystérieux qui devait avoir fatalement une certaine influence sur une imagination de jeune fille. Le mystère est l'agent le plus actif de l'amour. Certes, il semble qu'un soupçon aurait dû venir à l'esprit de Mademoiselle de Balder, qu'elle aurait pu penser qu'un autre que M. de Kergaz était le deus ex machina de cet étrange drame où elle avait le premier rôle. Mais Jeanne aimait Armand, et pour ceux qui aiment, tout événement paraît avoir pour cause ou pour point de départ l'objet aimé. Ensuite, si excentrique, si bizarre que fût sa conduite, comment n'aurait-elle pas cru que l'auteur de ces deux lettres et M. de Kergaz ne faisaient qu'un, alors que, la veille, elle avait entendu ces derniers chuchoter avec Bastien et prononcer les mots de mauvaise affaire, faisant allusion au duel du lendemain. Tout cela semblait si naturel que Jeanne ne douta point un seul instant et se contenta de laisser son esprit s'abandonner aux plus bizarres conjectures, sans pour cela soupçonner la non-identité d'Armand et de celui qui lui écrivait. Ensuite, à la pensée que de sa discrétion à elle dépendait peut-être la vie d'Armand, elle se promit de ne point chercher à sonder tous ses mystères, et elle se contenta d'examiner attentivement le lieu où elle se trouvait. Nous l'avons dit, rien de plus coquet, de plus élégamment joli que cette chambre à coucher qu'une fée semblait avoir meublée et décorée pour l'habiter elle-même. Ce n'était peut-être pas, dans son ensemble, assez sévère pour une duchesse de l'austère faubourg Saint-Germain. Ce n'était pas non plus la demeure de l'une de ces folles créatures du monde galant que l'ordre de la finance va chercher dans les coulisses des théâtres de vaudeville pour leur construire des palais. On aurait dit le boudoir d'une de ces femmes que le talent a fait indépendante en leur donnant le cœur et les hautes aspirations de l'homme et qui veulent rester femmes dans leur vie privée. Jeanne, la pauvre fille d'un officier sans fortune, n'avait jamais rêvé de semblable coquetterie. Elle demeura éblouie. Et puis, comme tout cela venait de l'homme aimé, de celui dont elle porterait le nom, elle éprouva une joie d'enfant et sentit son cœur battre de reconnaissance et d'amour. Et puis encore, elle voulut voir jusqu'où s'étendait ses domaines, c'est-à-dire cette maison qui appartenait déjà à la future comtesse de Kergaz. Elle ouvrit la première porte qu'elle vit devant elle et se trouva dans un grand salon dont les murs étaient tendus d'une magnifique tapisserie des Gobelins. Un guéridon placé au milieu supportait des albums, des gravures, un journal de mode, une gazette de femmes. En face de la cheminée était un piano. Jeanne traversa le salon, dont les portes étaient ouvertes, et se trouva dans un petit vestibule dallé en marbre, aux murs peints à fresques, encombré de caisses de fleurs exotiques et d'arbustes rares. Dans ce vestibule, couché sur une banquette, un grand laquais chamarré qui dormait s'éveilla au bruit des pas de la jeune fille et, se levant, se tint respectueusement devant elle en disant « Mademoiselle désire-t-elle sa femme de chambre ?» Et sans attendre de réponse, le valet appela « Mariette, Mariette !» Une jolie soubrette, comme on n'en voit plus guère qu'à la comédie française, accourut et salua la jeune fille. Puis, derrière la soubrette, arrivèrent successivement une femme de charge entre deux âges et un groom. C'était là le domestique mis aux ordres de Jeanne. « Si mademoiselle veut me suivre dans son cabinet de toilette, » dit la jolie camériste qui portait le nom de Mariette, « j'habillerai mademoiselle. » Jeanne s'aperçut alors qu'elle était en robe de chambre, dans le costume qu'elle avait la veille en s'endormant. Elle suivit, toujours étonnée et ravie, Mariette qui la conduisit dans un vaste cabinet de toilette, où la jeune fille retrouva toute sa garde-robe, transportée là comme par enchantement. « Monsieur le comte, » dit Mariette, a dû passer, en retournant à Paris, chez les fournisseurs de mademoiselle qui viendront dans la journée prendre ses ordres. Et Mariette se mit en devoir de peigner, de tordre les beaux cheveux noirs de Jeanne qui se laissa faire, rêveuse et toujours éblouie. Une heure après, mademoiselle de Balder, en négligé du matin, entrait dans la salle à manger située au rez-de-chaussée de cette mystérieuse maison et y trouvait son déjeuner servi. Jeanne trempa ses lèvres dans une tasse de thé après y avoir émietté un gâteau, et elle lut et relut avidement la mystérieuse lettre de cet homme que les gens qui la servaient appelaient monsieur le comte. Mariette la servait à table et lui dit, au moment où elle se leva, « La campagne n'est pas très agréable à habiter en hiver, et mademoiselle s'ennuiera peut-être. » Jeanne aurait bien voulu savoir dans quelle campagne elle se trouvait, mais elle se souvint de la recommandation formelle de la lettre et elle se tut. « Mais, reprit Mariette, monsieur le comte a pensé que mademoiselle reverra avec plaisir une ancienne amie. »« Une amie à moi ?» exclama Jeanne avec surprise. « Une amie de mademoiselle, » insista Mariette, qui ouvrit une porte et appela. « Mademoiselle Cerise !» Et Jeanne, stupéfaite, vit entrer la fleuriste, émue et pâle, qui vint se jeter dans ses bras. Les deux jeunes filles s'accablèrent de questions d'abord. Comment se retrouvait-elle? Où était-elle? Ni l'une ni l'autre ne le savaient. Mais Sir William avait si bien pris ses précautions, il avait si bien su écrire à l'une et parler à l'autre de périls imaginaires, que toutes deux s'observèrent et ne se firent que des demi-confidences. Une partie de la journée s'écoula pour elles en une douce causerie. Jeanne confia à Cerise que son cœur avait parlé. Elle lui dit combien elle aimait un inconnu, sans doute l'auteur de ces deux lettres qu'elle avait reçues, le comte Armand de Kergaz. Cerise lui parla de son amour pour Léon, de ce bonheur qui n'était que retardé et qui s'accroîtrait de tout le charme de l'obstacle vaincu, de la difficulté surmontée. Vers le soir, comme les deux jeunes filles, après s'être longtemps promenées dans le jardin, dont les murs élevés ne permettaient point de voir au dehors, rentraient à la villa, un homme se présenta à Jeanne et la salua avec respect. C'était Collard. À la vue de cet inconnu, mademoiselle de Balder éprouva une vague inquiétude, mais Cerise la rassura. « C'est un ami, » dit-elle, « c'est un serviteur de monsieur le comte. »« Mademoiselle, » dit Collard en s'inclinant devant Jeanne, « je suis l'intendant de monsieur le comte. »« Ah, » fit Jeanne remise de son trouble, « venez-vous de sa part ?»« Oui, mademoiselle. » Et Collard prit un air mystérieux et tendit une lettre à la jeune fille. Jeanne la prit en tremblant et son cœur battit bien fort. C'était encore la même écriture. Cette lettre venait de lui. Elle l'ouvrit et lut. « Jeanne, ma bien-aimée, quand cette lettre vous parviendra, j'aurai déjà mis entre nous une grande distance. Ainsi le veut la fatalité. Mais rassurez-vous, mon absence ne sera point de longue durée, quelques jours à peine, et vous me verrez à vos pieds, baisant vos deux mains, et vous demandant à genoux d'accepter mon nom et de faire le bonheur de ma vie. Chaque jour, l'homme qui vous portera cette lettre, et qui a toute ma confiance, vous en remettra une autre que je lui ferai parvenir des divers lieux où je m'arrêterai pendant ce voyage que m'imposent de graves et mystérieuses circonstances. Cet homme, nommé Collard, est mon ami plus que mon serviteur. Il m'est entièrement dévoué, et il exécutera tous vos ordres avec joie. Soyez reine dans cette maison qui est à vous, et qui n'est peuplée que de mes gens, âme dévouée à leur maîtresse future, et qui mourrait pour elle avec joie. Je ne vous demande qu'une seule chose, Jeanne, ma bien-aimée, mais je vous la demande à genoux, au nom de l'amour que j'ai pour vous, au nom de notre bonheur à venir. N'essayez point de sortir de la villa, ou du moins du jardin. Ne demandez point où vous êtes. Ceci est un mystère que je vous expliquerai plus tard. Adieu, à demain. Mon corps s'éloigne, chère femme adorée, mais mon cœur est resté près de vous. Cette fois, la lettre était signée d'un A. Il y avait progrès. « Mademoiselle, » dit Collard, lorsque Jeanne eut terminé la lecture de cette lettre, « si vous désirez répondre à monsieur le comte, je lui ferai parvenir votre missive. » Jeanne rougit. « Je verrai, » dit-elle d'une voix émue. Et en effet, que pouvait-elle, qu'allait-elle répondre? Se plaindrait-elle de cette espèce d'enlèvement? Lui avouerait-elle qu'elle l'aimait? Elle regarda Cerise comme si elle eût voulu lui demander conseil. Cerise comprit et dit à Collard, « Mademoiselle écrira demain à monsieur le comte. » Collard s'inclina. « Je reviendrai demain, » dit-il, « et si mademoiselle veut faire venir de Paris quelque chose, je n'ai besoin de rien, merci. » Une cloche qui sonnait le dîner se fit entendre. Le lieutenant de Sir William salua de nouveau la jeune fille et s'en alla. Mais au lieu de sortir par la grande grille de la villa, il gagna le pavillon et était encore la veuve Fipard, bien que Sir William eût faim le matin de la chasser. « La mère, » lui dit-il, « le capitaine a réfléchi. Il vaut mieux que tu ne restes pas ici. Tu as maltraité Cerise, et si les deux petites se rencontrent, elles finiront par avoir des soupçons. »« C'est bon, » dit la cabaretière de Bougival, « on s'en ira. » Tous les matins, poursuivit Collard, tu donneras une manne à Rocambole et tu lui recommanderas d'avoir, s'il le peut, un air bien honnête. Oh ! Dit la veuve Fipard avec orgueil, c'est mon élève et quand il le veut, il ressemble à un petit saint. Et tu l'enverras ici porter du poisson. Suffit, on l'enverra. Rocambole, qui est fin comme une mouche, donnera son coup d'œil et veillera au grain mieux que toi. Car je ne fis qu'à moitié à tout notre monde. Si le vrai comte venait à flâner par ici. Collard désigna Armand par ce mot de vrai comte. La veuve Fipard redescendit à Bougival en compagnie de Collard qui retourna à Paris, où il avait mission d'observer et de surveiller les actes de M. de Kergaz. Le lendemain, il retourna à la villa. Sir Williams l'avait écrit d'Orléans et envoyé une seconde lettre pour Jeanne. Cette lettre, plus tendre et plus brûlante encore que la précédente, acheva de jeter le trouble dans le cœur de la jeune fille. Le faucon de Kergaz avait cette fois écrit au bas tout au long le nom d'Armand. C'était donc bien lui. « Mademoiselle, demanda Collard, ne répondra-t-elle point à M. le comte ?» À cette question, le cœur de Jeanne battit à rompre sa poitrine, ses joues s'empourprèrent, elle hésita encore. « Ah ! » murmura Collard, « je vois ici M. le comte ouvrant ma lettre et trouvant, sous le même pli, quelques lignes de mademoiselle. Cher et bon maître, quelle joie !» Jeanne n'y tint plus, à la pensée qu'il serait heureux si elle lui répondait. Elle prit la plume et écrivit. « Monsieur, bien que votre conduite me paraisse étrange, bien qu'il soit inouï, qu'on fasse les gens prisonniers pour leur prouver quelque affection, je veux bien ne vous point juger trop sévèrement, et attendre votre retour pour avoir l'explication de tous ces mystères. D'ici là, je suivrai vos conseils et garderai la réserve que vous me demandez. » Malgré la froideur de cette lettre, on devinait que l'âme tout entière de la jeune fille avait dû passer par sa plume, et les caractères tremblés, la signature presque illisible, attestaient son émotion. Mais Jeanne était fille de noble race. Elle savait bien que la première vertu de la femme est la réserve, et la conduite mystérieuse de Sir Williams ne méritait pas de plus tendres expressions. Cependant, au-dessous de son nom, elle écrivit un mot « Revenez ». Ce post-scriptum laconique résumait la pensée tout entière de la lettre et en atténuait la sécheresse. Collard s'en alla. Le lendemain, il revint, apportant encore une lettre du faucon de Kergaz. Comme les précédentes, elle avait un parfum de chaste honnêteté, d'amour ardent, qui continua à opérer de profonds ravages dans l'âme de Mademoiselle de Balder. Les jeunes filles se laisseront toujours séduire par des lettres. Pourtant Jeanne ne crut point devoir répondre, mais chaque heure qui s'écoulait rivait par un lien de plus le cœur de la pauvre enfant à cet amour dont elle croyait envelopper Armand. Et les jours passaient. Et Jeanne oubliait Gertrude, dont cependant le faux Armand parlait toujours dans ses lettres comme l'accompagnant, lettres qui n'étaient jamais datées et lui arrivaient, elle ne savait d'où, par l'entremise de Collard. Elle attendait avec impatience le retour de celui qu'elle aimait, comme Cerise attendait Léon. Et ni l'une ni l'autre ne songeait à quitter la villa. Cependant, un jour, Collard ne vint point. Jeanne attendit en vain la lettre bien-aimée qui était devenue la nourriture de son âme. La lettre ne vint pas. Le lendemain, Collard ne parut point encore. Le lieutenant de Sir William savait, pour motiver son absence, la meilleure de toutes les raisons. Il était mort. On se souvient de la fin tragique de Collard dans le cabaret de la veuve Fipard. Collard était mort sans prononcer un mot qui put éclairer Rocambole sur la marche à suivre vis-à-vis de Jeanne et de Cerise. 3 jours, puis un quatrième s'écoulèrent. Jeanne ne recevait plus de lettres de son mystérieux correspondant, et cependant rien n'était changé à la villa. Les domestiques continuaient à la servir, la grille du parc a demeuré fermée. Mariette parlait de M. le comte chaque fois qu'elle coiffait ou habillait sa maîtresse. Mais Jeanne ne voyait plus Collard et ne recevait plus de lettres. Elle interrogea les domestiques sur le sort du messager. Les domestiques ne savaient rien dire ou ne voulaient rien dire et répondaient invariablement « L'intendant de M. le comte est peut-être en voyage. » Alors Jeanne se mit en tête les plus noires idées. Elle se souvint que, dans la première lettre trouvée sur le guéridon, celui qu'elle croyait rarement de Kergaz disait qu'il allait courir de grands périls. Jeanne eut le vertige à ce souvenir. Elle se dit que peut-être son Armand bien-aimé était mort. Puis l'espoir vint faire place à ce doute cruel, à cette épouvantable anxiété. Elle pensa que puisqu'il n'écrivait plus, c'est qu'il allait revenir. Le 4e jour, cependant, comme Jeanne s'éveillait et disait bonjour à Cerise, qui couchait dans un cabinet voisin de sa chambre et dont la porte restait ouverte durant la nuit, elle aperçut un paquet de lettres sur les guéridons. Jeanne ne fit qu'un saut de son lit au guéridon et poussa un cri de joie. Il y avait là 4 lettres, autant de lettres que de jours écoulés. Et elle les reconnut et en brisa le cachet avec une émotion violente. Armand n'était donc pas mort. Il lui annonçait son retour prochain. Il allait arriver. Elle pouvait le voir au premier moment. C'était du moins ce que disait sa dernière lettre. « Cerise, Cerise !» s'écria Jeanne, folle de joie. « Il est vivant, il va revenir !» Et Cerise, qui depuis 3 jours essuyait les larmes de la pauvre Jeanne, Cerise accourut toute joyeuse et l'embrassa avec effusion. Alors Jeanne voulut savoir qui avait apporté ses lettres et les avait déposées sur le guéridon durant son sommeil. Elle sonna, Mariette parut. « Collard est donc venu ? » demanda-t-elle. « Non, madame. »« Qui donc, alors ?» fit Jeanne surprise et montrant les lettres. « Mademoiselle, » répondit la camériste, « c'est Rocambole. »« Qu'est-ce que Rocambole ? » demanda Jeanne, qui jamais n'avait entendu prononcer ce nom. « C'est le petit marchand de poissons. »« Il a donc vu Collard ? » ?»« Je ne sais pas. » Mariette ne savait pas, en effet. La vérité était que depuis 3 jours, maître Rocambole s'était métamorphosé aux yeux des gens de la villa. Et il nous faut expliquer cette métamorphose avant d'aller plus loin.